t'effacer. Si tu veux leur pardonner, tu devras oublier tous ces mots qui t'ont touché. Je sens bien, je sens bien que tu es blessé. Pas pressé, hein. passé. On aimerait tout effacer. On aimerait tout effacer. Si tu veux me pardonner, tu devras oublier. Tous ces mots qui t'ont touché, je sens bien que tu es blessé. Je ne sais pas. Sortir de l'enfer, je t'en prie, reste avec nous. J'ai tant besoin de toi, je ne sais pas comment faire. De sortir de l'enfer, je t'en prie, reste avec nous. J'ai tant besoin de toi. Une lueur comme un espoir. Sèche tes larmes et lève les yeux. Tu as le droit d'être heureux. Il est temps de t'accepter, de comprendre la vérité. Que tu crois, tu reprends confiance en toi. Je ne sais pas comment faire de sortir de l'enfer. Je t'en prie, reste avec nous. J'ai tant besoin de toi. Je ne sais pas comment faire pour te sortir de l'enfer. Je t'en prie, reste avec nous. J'ai tant besoin, j'ai tant besoin. les yeux. Tu as le droit d'être heureux. Il est temps de t'accepter, de comprendre la vérité. Moi, je vais boire un petit café et je reviens. Allez, Sharon, fais péter la basse. a l'air pas mal. Tu les as toutes ? Alors on y va. Chaque jour est écouté à présent avant de revenir. piano, Monsieur Edo. À la basse, Miss Sharon. Et au drum, Giorgio. Et au percussion aussi. Aux percussions. Un truc à la basse que je sais pas faire, j'arrive pas à faire moi. Tu sais, j'ai trouvé un truc comme ça. vie autour de moi. J'en ai vraiment assez. Dites-moi si je vois flou, bien si je suis fou. Les gens courent après l'argent, ils bossent à s'épuiser pour quelques jours de congé. Ils sont tous contents. Et ce soir, je le sais, vous dormirez.